Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 85. On est mercredi, le 20 octobre 2021. Encore dans cette année-là, je sais pas pourquoi je me tire à chaque fois que je commence un podcast. On est en 2021, puis avant que la COVID arrive, on était en 2020, où on allait être 2020, ouais, fin 2019. C'est début 2020 la COVID, hein, je pense. Quand on était fin 2019, je me disais 2020, ça va être une belle année. Là, le magasin roulait, j'avais lâché le graphisme, je me disais, je vais vivre du magasin puis de l'arcade, puis ça va être une nouvelle vie qui commence, puis là, ça a été la COVID. Fait que je n'ai pas en profiter, puis là, j'ai hâte de pouvoir recommencer, profiter de cette vie que j'attendais. Et puis, je me dis, peut-être que 2022 sera le 2020 que j'attendais. Une bonne année, tu sais, qui roule bien, les projets existants qui se développent et tout. Parce que là, depuis 2 ans, ça a été le chaos, non? Fait que là, c'est ça, j'aimerais ça. Pas que c'est le chaos présentement, là, tu sais, mais c'est pas pareil. Puis l'arcade, c'est pas pareil. Puis j'aimerais vraiment ça. Je m'attends que 2022 soit quelque chose de bien. Oui, parce que aujourd'hui sera un podcast décousu, mesdames et messieurs. Je sais pas de quoi parler partout. Fait que je vais boire du café puis dire n'importe quoi. Ça va totalement être ça. Fait que voilà. Puis, j'ai joué au hockey hier soir, parce que je joue au hockey à tous les mardis soirs maintenant, de 10h à 11h30. Donc, voilà. Puis, je me suis blessé. Je me suis comme... ça fait 2 blessures, là, en 3 matchs, là. Comme, je suis tombé sur le coccyx il y a 2 semaines, comme un épais. Et puis, comme un épais. Je suis tombé, c'est-tu. Et puis, c'est ça. Puis, je me suis fait mal, vraiment, au coccyx. Il n'y a rien que tu peux faire, tu sais, pour le coccyx. C'est comme c'est comme dans le cul, hein? C'est comme en dedans. Fait que c'est là, ce petit os-là, dans le fond, c'est au plus creux de ton être. Et puis, tu peux rien faire. Fait que j'avais mal. Au moins, j'étais capable de m'asseoir et tout. Puis, je joue au hockey le samedi matin aussi. Alors, moi, je me suis fait mal au coccyx mardi. Samedi matin, je m'en vais jouer au hockey. Pensant à être quand même pas pire, parce que tout ce que je fais, c'est être assis puis marcher. Et puis, là, je courais, puis ça résonnait dans le coccyx, ça faisait mal. Mais j'ai joué pareil, puis c'était correct. Là, je me suis dit, bon, pour ma game de mardi prochain, l'autre mardi d'après, le coccyx va être pas pire. Puis là, dans le réchauffement, au début, je voulais comme arrêter une rondelle avec mon patin. Et puis là, la rondelle s'est logée sous ma lame, et puis là, comme, pfiou, mon pied est parti, puis je suis retombé direct sur le coccyx. Ça l'a fait. Ça a tout reparti. Et puis, j'ai recommencé à avoir mal au plus profond de moi-même. Et puis, ça a été ça. Donc, ça fait un petit bout de ça. Coccyx, ça me rétablit. Puis là, OK, good, on continue, c'est beau. Puis là, hier, j'ai voulu plonger pour bloquer un tir. Et puis, ma jambe a fait une drôle de twist. Puis je me suis tordu le corps, je sais pas quoi. Ma jambe n'a pas suivi. Fait que là, je me suis fait mal à l'aine. Ouais, OK, c'est commun de se faire mal à l'aine. Mais là, c'est pas l'aine, tu sais, comme en avant, chaque bord du bat, là. C'est comme l'aine creuse, tu sais, en dessous, là, vraiment, là où est-ce qu'il y a la jonction de la jambe puis du bassin, là. Je sais pas qu'est-ce qui tient une jambe à un bassin, là, mais cet ectoplasme-là, ces ligaments-là, j'en ai aucune idée, ça fait mal là. Alors, voilà. Blessure. Puis là, je refuse de prendre ça comme des signaux que mon corps essaye de me dire d'arrêter de jouer intensément quand je fais du sport. Parce que moi, j'ai une façon de jouer, c'est avec intensité, tu sais, tout le temps. Donc, si je m'étais rendu dans NHL, moi, j'aurais été un grinder, là. J'aurais été Steve Bégin, là, tu sais. J'ai pas vraiment des bonnes mains, sur glace, là. J'ai pas des bonnes mains, je suis pas solide sur mon bâton. Et puis, mais je patine vite, puis je travaille fort, et puis je sais me positionner. Pas facile au hockey, être capable de se positionner convenablement. Autant à l'attaque pour se démarquer qu'à la défense, où te mettre par rapport à l'attaque qui s'organise contre toi, tu sais. Je me rends compte de ça, c'est pas du monde, pas beaucoup de monde qui savent comment bien s'organiser au hockey. Mais c'est ça, donc je suis vraiment pas un joueur étoile, mais je me débrouille bien, puis là, je veux pas que mon corps lâche. Alors, j'endure ces blessures-là. Puis à un moment donné, s'il y a de quoi de vraiment sérieux, ben, j'arrêterai. Mais je veux pas, j'ai besoin du workout. J'ai besoin de l'énergie, de me dépenser. Puis, là, je vais oublier plein d'affaires que je voulais dire parce que je suis fatigué. Je m'endors à 2h moins quart du matin, puis je me lève à 6h45. Fait que je manque de sommeil. Mais ouais, ah, c'est ça. J'ai quand même des notes ici sur le côté. Vous avez été plusieurs à comme avoir une certaine réaction par rapport à mon dernier épisode que je parlais d'alcool. Et puis, je vais peut-être en parler encore un peu. Tu sais, beaucoup de monde, ben beaucoup. J'ai reçu des centaines de messages. Non, mais des commentaires sur l'épisode sur YouTube, des amis personnels qui m'ont parlé, des affaires comme ça. Et puis, beaucoup de monde semble se questionner, pas se questionner, mais réfléchir à l'alcool dans leur vie, la place que ça prend, comment faire ça, tu sais. Fait que moi, j'ai continué je continue depuis que j'en ai parlé, puis depuis la dernière fois que j'ai été un peu trop chaud, puis que je suis comme calice, là, ça va faire, ça fait 2-3 semaines, j'essaie de slacker encore. Mais je bois vraiment pas tant que ça, comme je disais, je bois pas tous les jours. Moi, c'est mes jours, c'était jeudi, vendredi, samedi. Exception des fois, il y a un événement au bar le mardi où on fait rétro nouveau, une bière ou deux, t'sais. Mais pas beaucoup d'exceptions comme ça, même des fois jeudi je skip, des fois maintenant vendredi je skip aussi, fait que c'est rendu que je bois de l'alcool une fois par semaine, t'sais. Puis je bois, mettons, là en fin de semaine passée, la longue fin de semaine, alors que la ville au complet, était partie dans un chalet. Tout le monde était dans un chalet pour la fin de semaine de l'Action de grâce, les chalets. Nous autres, on a passé le week-end le plus plate de l'année à rester à la maison et à vernir, à protéger. On a refait faire la clôture en arrière, dans la cour, l'année passée. Et puis cette année, on a fait faire les dalles à terre, donc j'ai pas de gazon, juste du concrete. Juste ça. Pas rien qui pousse là. C'est merveilleux. Moi, j'avais plus de gazon. Mais on a des bacs avec des plantes et tout, bien sûr. Puis bref, là, la dernière étape, c'était de protéger la clôture. Parce qu'il fallait, c'est de la pruche. Il fallait pas laisser ça, c'est solide. Le cèdre, c'est encore mieux. La pruche, c'est une coche en dessous. Puis en dessous de ça, t'as le bois traité, là, comme un, là, t'sais. Fait qu'on voulait un petit... On n'est pas millionnaire, on a essayé de prendre le meilleur qu'on pouvait. Et puis, il faut protéger ça pareil. Fait qu'on a passé... Finalement, ça a été très long. Une fin de semaine de 3 jours, tous les amis de nos enfants étaient partis dans des chalets, fait que nos enfants, ils n'ont rien fait dans la maison. Nous autres, samedi, de 9h à 6h30 du soir, on a fait ça toute la journée, moi et ma blonde. Dimanche, il mouillait. Ouais. Lundi, on a continué ça. Et puis, lundi aussi, de 9h à 5h, genre. Puis ça a été... tellement long. Faut vraiment pas que tu penses au travail que ça va être avant de te lancer là-dedans. Dans les travaux, là, c'est tout en plus que tu penses, t'sais. Fait que... Mais c'est fait. Je suis vraiment content. C'était ça sur notre to-do list. Et puis, je suis content d'avoir une blonde très travaillante aussi. Hein? Vraiment, comme... on se lève, on prend un café, on sort les pinceaux, on embarque sur le projet. Ma blonde, quand elle était enceinte de notre premier... Elle a tout peinturé les plafonds puis le salon double de notre appart dans le temps. Quand elle était enceinte, elle avait de l'énergie. Ben, elle a encore de l'énergie, là, tu sais, mais encore plus. Il y en a qui disent, puis c'est ce qu'elle disait aussi, c'était le processus de nidification. Alors, la mère, la maman oiseau, prépare le nid pour les petits oiseaux. Donc, faut avoir un beau nid parce que les oiseaux arrivent. Je trouve ça beau. Moi, ça, je trouve ça cute. Alors, préparer le nid. Donc, mais là, le nid, on a encore des oiseaux dedans, alors faut s'en occuper. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis pourquoi je disais ça, je m'en rappelle plus. C'est comme ça. C'était la... Oui, j'y reviens, parce que c'était... Je vous le dis, ça va être fucked up aujourd'hui, là. Ça va être le bordel. Donc, c'était une fin de semaine qu'on n'avait rien. Ouh, j'aurais bien pu boire 3-4 bières, hein, tu sais, vendredi, samedi. De toute façon, je me lève, je vais dans le cours, puis je peinture, tu sais. C'est pas de la peinture, mais c'est ça. Puis finalement, non. J'ai pris une canne, puis une sans alcool. Parce que je m'achète ça aussi. Si vous voulez de la sans alcool pas cher, nous autres, on fait notre épicerie au Maxi parce que c'est on économise. Oui, c'est lettre, on s'en crisse. Martin et Matt, ils disent, c'est hot. Alors, non, mais on peut aller au... c'est quoi? Avant, c'était l'Oblast dans Angus. Là, je me rappelle jamais c'est quoi. C'est un Provigo maintenant. Ça fait déjà quand même une couple d'années. Bref. Tu sais, le Provigo dans Angus, à Montréal, Angus, le quartier Angus, c'est comme un quartier dans Rosemont. Ça fait partie de Rosemont, mais c'est autour des shops Angus qui était une grosse usine de locomotives dans le temps. Puis il y a les rails, puis toute la grosse affaire. C'était un quartier industriel à côté. Puis cette grosse usine-là est maintenant une épicerie. Et puis, bien sûr, ça s'est tout construit autour. Fait que Angus est un quartier familial où les petites maisons coûtent très cher. Donc, voilà. Alors, on va dans cette épicerie-là, tu sais, parce que c'est grand, c'est beau, tu sais, c'est le fun, il y a bien des affaires. C'est comme quasiment un peu trop grand. Mais pour la même épicerie au Maxi, tu sais, ça va être 60$ moins cher, tu sais. Fait que oui, t'emballes tes affaires, oui, c'est moins beau, mais fuck that, là. On est là pour 45 minutes, là, tu sais, on va sauver ça. Ça nous coûte entre 200 et 300$ d'épicerie par semaine, nourrir ces oiseaux-là, tu sais, fait que il faut sauver à des places, puis ça me dérange pas de que ça soit lettre pendant ce temps-là. Alors, pourquoi je disais ça, là? Colin, je perds tout le fil de tout ce que je veux dire. L'épicerie Angus, je me rappelle plus. C'est ça, hein? C'est ça qui arrive quand j'ai pas de plan, je m'en vais dans tous les sens. Ah oui! Mes quatre notes qui sont sur le côté marchent. Bref, sans alcool, au Maxi, il y a la marque, pas de marque, là, la marque du président. La bière sans alcool du président, il y en a de la blonde, puis il y en a de la rousse. La rousse, c'est correct, là, mais ça goûte un peu trop par rapport. Là. Mais la blonde, ça passe bien. Puis, genre, pour une dose de canette, c'est des petites cannes, comme des petites cannes de Pepsi, ça revient à même pas une pièce la canne, je pense. Alors, c'est... Parce que moi, j'aime beaucoup la bière. Ben, non, c'est pas vrai. J'aime pas beaucoup ça. Mais il y a des bonnes bières sans alcool, comme celle du Bockel. J'aime bien celle au litchi. Mais ces affaires-là, c'est 5-6 pièces de la canne, tu sais, pour une sans alcool. Donc, oui, tu sais, moi... Je sais pas c'est quoi le procédé de faire de la bière sans alcool. Ça doit être compliqué parce que ça coûte cher de la bière de micro sans alcool. T'sais. Par contre, je pense que c'est un marché à exploiter au maximum. Si j'étais brasseur présentement, je me garocherais là-dedans au plus vite. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui résonne comme moi, je crois. Et puis, boire, puis grosse alcool, puis tout. C'est pas ce que les gens désirent de plus en plus. Si les jeunes veulent se péter à la face, il doit rester encore de la Bull Max puis de la Saint-Idèse dans les dépanneurs. Je le souhaite. S'ils veulent se brûler la tête comme moi. Mais c'est ça. Donc, si tu veux pas... pour les bourses un peu plus serrées, là, telles que la mienne... sans alcool, bière blonde, lager, sans alcool, choix du président, Maxi, ça coûte rien. Et puis, tu te prends une bière normale, et puis après ça, tu te dis, ok, je veux comme slacker, je vais être en forme demain. Tu te pièges toi-même, tu pièges ton cerveau avec une sans alcool. Puis ça fait très bien l'affaire, c'est bien correct. Donc, après une canne ou deux de vraie bière de micro, je me prends une sans alcool, et puis c'est de même que je roule. Alors, pendant cette longue fin de semaine-là, où est-ce qu'on a travaillé fort, mais j'avais rien vraiment de précis à faire, j'ai été quand même tranquille. Alors, je vais continuer ça. Et puis, là, ça va être dur, parce que ce vendredi, je vais à l'arcade, et puis Étienne, le brasseur de Pixel, va être là. Étienne Turcotte, il vient avec des amis, fait que... On va jaser, on va s'amuser, puis je vais essayer de pas trop me défoncer non plus, pas que j'ai des plans en fin de semaine, là, mais c'est rendu que je suis full, là, je crains le hangover, là, tu sais. Avant, j'étais capable de me mettre chaud, puis grosse soirée, puis me coucher à 1h30, bu 6-7 pintes, et puis let's go, et puis le lendemain, je me levais, j'allais à la pratique de hockey de mon gars, on faisait l'épicerie, on faisait à souper, puis on allait... J'ai tout dit ça dans mon dernier épisode, mais là, je trouve ça dur. Mais là, faut pas que je me dise que je trouve ça dur. Faut juste comme... J'essaie de moins anticiper ces affaires-là. J'essaie de vivre sur le moment, tu sais. Puis je sais pas si ma réaction de vouloir moins boire d'alcool est basée sur le fait que j'anticipe trop qu'il faut que je sois en forme le lendemain pour faire telle ou telle affaire. J'ai tout le temps été comme ça. Puis je suis pas capable. Tu sais, j'ai des amis ou des gens, ils peuvent, les rockstars, c'est comme, ils se défoncent. Puis le lendemain, ils se lèvent, puis ils ont un autre show, puis ils partent sur la route. T'sais, moi, j'ai pas cette force-là, tu sais. Fait que, mais j'essaye d'être free, frivole comme ça, l'esprit libre. Mais ça fonctionne pas. Fait que, moins boire est ma solution. Mais est-ce une solution? C'est sûr que c'est une solution. Pas boire du tout serait l'ultime solution. Mais j'ai pas un problème d'alcool. C'est ça que j'essaie de te dire. J'ai un problème d'anxiété par rapport à pas être en shape à cause de l'alcool. C'est vraiment ça mon problème. C'est l'anxiété encore. C'est pas réglé. Ça sera jamais réglé. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur l'anxiété. Et je me rappelle plus lequel, par exemple, parce qu'au début, je nomme mes épisodes, puis j'écris dans le titre de l'épisode de quoi je parle. C'était une très bonne suggestion, d'ailleurs, de Mario Ramos, de RDS Jeux Vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant, bien sûr, fait que c'est pas mal plus facile à... Ben, c'est sûr, tu peux lire les descriptions, là, mais tu sais, dans le titre, ça va bien mieux. Alors, j'ai un épisode d'anxiété quelque part, et puis peut-être même deux. C'est une affaire que je parle beaucoup. Je pense que c'est important d'en parler. Mais les gens, ils parlent de plus en plus, ça, que Chris, Carey Price, tabarnak, tu sais, Jonathan Drouin. Des beaux exemples, ça, quand même. Je pense que... Ben, Price, on le sait pas, mais ça sonne comme ça. Je pense pas que Price ait des problèmes de poudre pis de boisson, tu sais. Mais c'est ça. Donc, peu importe dans la vie, ça attaque tout le monde, pis t'as beau être... le plus fort, le plus méchant, le plus redoutable de ce que tu veux être, t'es pas à l'abri de crasher puis de burner, là, t'sais. D'ailleurs, quel beau segue, j'ai... Il y a un humoriste qui s'appelle Jer Alain, J-E-R-R Alain. Je connais zéro ce gars-là, j'ai jamais écouté son show, j'ai jamais écouté rien, je sais pas d'où est-ce qu'il sort, je connais pas ce gars-là du tout. Mais ce gars-là fait un podcast, apparemment, qui s'appelle What's Up. Pas super comme nom, mais c'est pas important. Puis, je sais pas comment ça s'est apparu sur mon radar, dans des suggestions, whatever. Puis ce gars-là, il y a des invités vraiment comme intéressants. Il y en a plusieurs que je connais pas vraiment, donc c'est peut-être des humoristes de la relève ou whatever. Mais il y a des gros noms aussi au travers. Et puis, là, mettons... J'ai écouté l'épisode sur Paul Sarrazin. Là, j'écoute Maxime Lapierre. Après ça, il y a Jacques Rougeau, man. C'est-tu que je vais écouter ça? Puis, c'est comme... Moi, j'adore ça. T'sais. C'est comme des biographies. C'est comme une biographie audio, tu sais, de ses invités. Parce que moi, un style que j'aime beaucoup lire dans la lecture, quand je lis, c'est des biographies. Moi, ça m'inspire, ça. Il n'y a rien que j'adore plus que de lire une biographie. J'en ai lu plein, tu sais, puis pas nécessairement fucking Napoléon Bonaparte, tu sais, pas nécessairement des grands personnages de l'histoire, là, la biographie de Jacques Demers, c'est super intéressant, Slash de Guns N' Roses, c'est super intéressant, Hergé qui a créé Tintin, c'était fascinant. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ça voir, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils vivent, tu sais. Puis les gens, ils atteignent des sommets, ils crashent, tu sais, ou ils changent. Puis, tu sais, la vie, c'est pas... la vie, c'est pas égal, tu sais, tout le temps. Et puis, peu importe la biographie que tu lis, c'est tout le temps ça, tu sais. Il y a plein d'affaires autour de ça. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le podcast de Jer Alain, le podcast What's Up. Et puis, je veux juste parler un peu de l'épisode qui m'a quand même pas mal marqué, celui de Paul Sarrazin. Si vous connaissez pas, je parlerai pas beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui en passant. Hein, je pourrais parler de Metroid Dread, et puis, parce que je l'ai fini, et puis à 81% les items, ça m'a pris 10 heures pour ramasser les items, puis finir. J'ai fini le jeu en 9 heures. Mais là, je me dis, bon, je vais backtracker un peu, ramasser les items et tout ça, rien que pour compléter un peu. Mais tu sais, un coup que c'est fait, ça me donne rien d'avoir 400 missiles si je n'ai eu besoin juste 130 pour tuer le boss. Fait que je pense pas en parler sur mon show aujourd'hui, De toute façon, comme je disais, aujourd'hui c'est mercredi, puis Rétro Nouveau enregistre ce soir. Alors ce soir, ça va être, moi je vais parler de beaucoup de choses. Je vais parler de ActRaiser, je vais parler de Renaissance, et je vais parler de Metroid Dread et puis de Steel Assault. Alors vous écouterez ça. Donc pas vraiment de jeu vidéo aujourd'hui, là, à moins que je tombe là-dessus tantôt, mais t'sais, aujourd'hui c'est n'importe quoi. Donc Paul Sarrazin était un animateur chez Musique Plus. Là, il y a peut-être des gens qui m'écoutent. Je pense pas qu'il y a des jeunes qui m'écoutent qui savent pas c'est quoi Musique Plus ou qui ont jamais vu un modem téléphone avant. Mais je présume que mon auditoire, vous à la maison, vous avez pas mal autour de 30-40. Fait que peut-être certains d'entre vous savaient pas ce qui est Paul Sarrazin ou ce qu'est Musique Plus. Musique Plus était la version québécoise, entre guillemets, de Much Music. Donc, c'était une télé qui jouait des vidéoclips. C'était une télé de musique. Donc, c'était comme fou dans ce temps-là. C'était basé sur MTV, puis tout ça était big. T'sais. Fait que Musique Plus, ben, ça doit exister encore, c'ti, Musique Plus. Je sais pas, j'ai plus de câble pour ça. J'ai pas vérifié. Ou ça l'a fermé, ou je sais pas quoi. Ben, vous m'écoutez peut-être aussi parce que vous aimez les jeux vidéo. Donc, Denis Talbot avait Monsieur Net à Musique Plus. Et puis, il y a eu plein d'affaires à Musique Plus. Plein d'émissions, de la musique. Ça a été big, c'était bien le fun. J'aimais ça, bien sûr, on aimait tous ça. Et puis, Paul Sarrazin était un des VJ, ou eux autres, ils appelaient ça de même. C'était un animateur. La Musique Plus, la première batch, tu sais. Puis, il était cool, on l'aimait toutes. Et puis, il animait l'émission, l'agréable émission Solid Rock, qui était une émission basée sur le rock puis le métal. Alors, lui, il mettait de la musique puis tout ça. Fait que il était beaucoup associé, tu sais, à l'univers du métal à cause de ça, mais lui, il aimait de tout, tu sais. Puis dans le podcast où est-ce qu'il était invité, il raconte comment est-ce qu'il est passé d'être un petit gars du Saguenay ou Chicoutimi ou whatever, à passer une entrevue à Montréal pour être VJ, à rentrer à Musique Plus comme alors que c'était tout nouveau, à faire des allers-retours à Toronto au début de la semaine, et puis comment est-ce qu'il fallait qu'il travaille. Joe, une semaine, il est un nobody à DJ, il fait du DJ à Chicoutimi, puis deux semaines plus tard, il interview John Bon Jovi à Chicago, je sais pas quoi. Tu sais, ça a explosé ses affaires, tu sais, puis il a fait mille choses. Et puis, c'était très, très, très intéressant, les dessous de ça. Après ça, lui, il a fait un disque, il a fait un album, ça a pas marché, puis du jour au lendemain, il a comme tout perdu ses gigs, il était plus à radio, il était plus à Musique Plus, son album, ça marchait plus, il a tout perdu. Il a perdu sa maison, son char, son cash, tentative de suicide, il savait plus quoi faire, il était ailleurs, il a fallu qu'il se découvre de ça, il a fallu qu'il se relève, tu sais. Fait que c'est super intéressant, vraiment, là, j'aime beaucoup ça. Ah! Aussi, le même podcast, j'ai écouté celui de Éric Duhaime. Là, comme pas mal, beaucoup de monde d'entre vous, moi, Éric Duhaime, ça fait partie des humains que je me dis qu'il devrait pas exister. Je dis pas qu'il faut le tuer, mais je dis que le bruit qu'il fait est nuisible, tu sais, à la société en général. C'est comme Radio X, c'est comme, tu sais, c'est pas bon, c'est pas souhaitable, ça. ça assimile les gens, ça rend tout le monde fou. Mais, cependant, dans ce podcast-là, où est-ce qu'il parle pas de politique, c'est comme... J'ai découvert la personne, tu sais. Puis je sais qu'Éric Duhaime, c'est pas un cave, là, tu sais. Comme il y a des études, il a fait beaucoup de choses, tu sais. Puis il y a un gros, gros, gros background. Et puis là, lui, il est comme chef du Parti conservateur québécois. Puis il en parle un peu plus dans le podcast. C'est quoi les idées en arrière de ça, puis tout. Pis là, je suis comme, Chris, je pense que je suis conservateur québécois. Ou est-ce qu'il parle de certaines affaires de la gauche qui marchent pas, puis je suis d'accord, et puis qu'il parle d'une droite économique, puis je suis très d'accord avec ça aussi. Puis, par contre, je suis moins d'accord avec lui par rapport au passeport vaccinal, vaccin et tout ça, tu sais. Mais cela dit, je suis comme, Colin, j'ai pas mal plus d'affinité avec ce gars-là que je pense. Ou du moins, j'ai beaucoup... Il y a beaucoup de ses idées avec lesquelles je suis d'accord, tu sais, qui font du sens pour moi. Fait que, écoute, j'irai pas lire le bottin là, du Parti conservateur demain. Mais tout ça pour dire que des gens de podcast demain, ça t'ouvre les yeux, tu sais, sur des gens. Et puis, c'est ça. C'est bien intéressant. Parce que oui, pour une petite parenthèse politique, tu sais, moi je crois à ça, tu sais, moi je suis nationaliste aussi. Et puis, tu sais, je rentre là-dedans, souverainiste, séparatiste, tu sais. C'est pas, je veux pas nécessairement séparer le Québec, tu sais, je veux pas faire une coupure, bye, tu sais. Moi je pense, comme Éric Duhaime, comme François Legault, puis comme plein du monde, que le Québec est capable d'être gérer soi-même, tu sais, que ça soit au sein de la famille canadienne ou séparé, peu importe, mais pour moi c'est ça, tu sais, puis j'y crois à ça, pour ce faire, je pense que ça prend une économie un peu plus à droite, tu sais, c'est un peu plus de tenue dans les livres, mettons, c'est important ça là, c'est pas de laisser crever laisser crever les pauvres dans la rue, est-ce travailler, bande de BS, t'sais, Chris, c'est pas ça pendant tout, là. Personne veut du mal à personne. Par contre, t'sais, faut pas pelleter des nuages non plus. On vit pas dans un monde de pouliches. Quand ça, c'est beau. Et puis, il faut être raide, là, puis il faut travailler, puis il faut utiliser nos ressources, puis faut être business, t'sais. Fait que ça, j'y crois beaucoup à ça. C'est ce que François Legault, je trouve, a de l'air de faire. Si je dis ça tout le temps. Désolé, je me parle tout seul. C'est ça mon podcast. Je suis tout seul ici. Ça va me prendre des invités. J'ai vu Martine qui a passé tantôt. Je pense que un bon matin, je vais lui dire de venir s'asseoir ici à côté, puis on va jaser. Ça pourrait être intéressant, ça. J'y reviendrai tantôt. Donc, ouais. Puis là, j'écoute le podcast sur Maxime Lapierre, ancien joueur du Canadien. Donc, il explique vraiment c'était un quoi la vie, la NHL, la famille. Puis après ça, il est allé jouer en Europe. C'est comme super intéressant. Tu sais, ça a l'air comme nous autres. Ah, oh, OK, il joue en Europe, on s'en crisse. Mais lui, il explique vraiment, tu sais, là-bas, c'est quoi la différence. Puis c'est comme, wow, tu sais, c'est quand même très cool. Donc, bref, j'ai découvert ce podcast-là. Puis je pense que si vous devriez aller voir son line-up, il a l'air d'avoir énormément d'épisodes. Puis s'il y a des invités qu'il y a, que vous aimez, écoutez-le, là, tu sais. Puis il est drôle, le gars. Il est drôle au sens que, je pense, il a dit dans son podcast que lui, c'était un gars de la construction. Puis qui, là, maintenant, il est humoriste, genre. Fait que, mais il a vraiment le langage. On dirait qu'il sonne un peu comme Mike Ward, là, tu sais. Mais il pose les bonnes questions, tu sais, il est super bon pour amener l'invité à parler, tu sais, alors ça marche super bien. Donc, c'est ça. Moi, j'aime ça, les biographies, c'est-tu que j'aime ça. Alors, ce podcast-là, ça me nourrit. Autre podcast, tu sais, tant qu'à y être, j'en parle. C'est une question qu'on a, ça, des fois, Rétro Nouveau, tu sais, on demande aux auditeurs de nous poser des questions, puis « Hey, c'est quoi vos podcasts, vous écoutez? » Fait que j'en parle un peu. Il y a le podcast « Sexe oral » qui est animé par une Lisandre Nadeau, qui est une influenceuse, mesdames et messieurs. Maintenant, c'est un métier, ça. Et puis, il y a une autre fille avec elle qui est très dans, je pense, dans les... je pense que ça s'appelle Docteur.G, hein? Et puis, je pense qu'elle travaille pour la compagnie Eros et tout ça. Fait qu'en tout cas, ces deux filles-là sont mises ensemble, puis là, ils parlent de sexe. Et puis, tous ces épisodes-là, c'est y a plein de sujets différents. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en énumérer quelques-uns. Comment je fais pour voir les épisodes? Épisode. Voyons, c'est bien compliqué, ça. En tout cas, man, je vais... fuck off. Il y a plein d'épisodes, surtout. C'est très intéressant. Donc, je sais pas, moi, l'éjaculation féminine, la prostate, le BDSM, la maternité, hein, c'est pas juste des affaires rough, ou vivre avec le viol, ou les couples ouverts, et puis vraiment, où il y a des questions du public aussi, l'amour entre deux personnes homosexuelles, garçons, tu sais, comme plein d'affaires de même. Tu sais, moi je suis pas gay, mais quand même ça m'intéresse. Je veux pas savoir si il encule-tu de Bernac. c'est quoi leur vie, tu sais. Moi je m'intéresse à ces affaires là. Donc, c'est ça, c'est comme il y a toute la panoplie de sujets là-dedans. Puis, c'est bien fait, puis il y a pas de filtre, là. Les filles, des fois, sont rough, là. Tu sais, ils parlent, ils se crossent, tu sais. Puis, donc, je suis comme, oh, pas habitué à ça, mais j'aime ça, c'est comme un franc-parler, mais je veux dire, c'est pas trash, là, mais tu sais, il gêne pas, là, comme tout le monde dit tout là-dedans, puis c'est super intéressant, tu sais. Le gars qui est invité, il parle de prostate, il est comme, ben oui, moi je fais ci, moi je fais ça, vous devriez l'essayer, vous devriez prendre ce jouet-là, donc, tu sais, pourquoi pas, moi j'écoute tout ça, j'en apprends, c'est fantastique, j'en apprends sur ma prostate. Saviez-vous, garçon, que vous aviez une prostate, vous? Comme, comme a dit, comment a dit la fille, l'humoriste, là? J'ai oublié son nom. Ali Wong. C'est ça son nom? T'as peu. Ali Wong, oui. Bon, d'ailleurs, allez écouter ces deux shows qu'il y a sur Netflix. Je connais pas vraiment cette fille-là, autre que par ses shows d'humour que je suis tombé dessus par hasard, mais je pense qu'elle a écrit ben gros de la télé et tout ça. Puis bref, elle a un segment qui parle de ça. Puis elle dit que les hommes, on a un magic clit dans notre cul. Alors, je laisse ça de même. C'est un podcast que j'écoute présentement. Puis j'écoute aussi beaucoup Something to Wrestle, qui est un podcast de lutte. C'est avec Bruce Prichard, qui, si vous écoutiez la lutte dans les années 80, faisait le personnage Brother Love. Eh bien, Bruce Prichard est un gars qui écrit beaucoup pour la lutte, tu sais, des scénarios. Il est dans WWF, WWE maintenant, depuis toujours. Il a été mis dehors, il est revenu deux fois, bref, mais il est dedans, tu sais, comme... Fait que ce podcast-là, il fait juste comme... C'est l'animateur Conrad, il pose des questions, puis lui, il fait juste parler de ça. « Oh, hey, Jake the Snake, si... CM Punk date, tu sais, bref, il y a un épisode sur plein d'affaires, et puis moi j'aime beaucoup, encore une fois, les épisodes sur les personnages. L'épisode sur Doink the Clown, l'épisode sur Goldust, l'épisode sur Bret Hart, il y en a plusieurs, Shawn Michaels, puis Greg the Hammer, Valentine, Bam Bam Bigelow. Donc si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose, si vous avez vous aussi grandi en écoutant la lutte, ben grandi, c'est pas vrai, là, mais j'ai beaucoup écouté la lutte quand j'étais petit, puis j'étais encore très nostalgique de ça. C'est super intéressant. Something to Wrestle, donc très très bon. Fait que bref, passons à un autre sujet. Les poubelles. Nouveau chapitre, nouvelle chose qui se passe avec les poubelles ici, mesdames et messieurs. Recyclage, en fait. Vous savez, puis c'est très important, qu'on s'est fait voler nos roues sur notre bac à recyclage. Bon, j'ai appelé la ville pour qu'ils nous en apportent d'autres. Finalement, ils l'ont jamais fait, les hosties. Puis moi, comme... On peut en acheter, je pense, sur Amazon ou quelque chose de même, mais ça revient, je sais pas, moi, à 20$ de la roue, quelque chose. On peut se le permettre, mais moi, c'est le principe. T'sais. La ville, c'est pour... me fait voler dans cette ville-là parce que j'essaye de recycler dans cette ville-là pour le bienfait de la ville. J'suis comme... Je fais tout, puis je suis une victime, tu sais, comme dédommage-moi, tu sais. Fait que c'est une question de principe. Là, j'ai pas de roue, puis là, ça commence à être un problème. Puis là, ben, fait qu'on traîne le bac à recyclage du fond de la ruelle jusqu'au bord de la rue. Déjà là, ça fait full de bruit. Puis là, je sais pas pourquoi. Puis là, suite à ça, vous saviez aussi que comme nos poubelles n'étaient pas barrées, fait qu'il y a du monde qui remplissait ça de marde, de crise de chien de marde. Puis le dépanneur venait tout domper ce qu'il y avait dedans. Puis là, ben ok, maintenant on barre nos poubelles. Deuxième problème, réglé. Puis là, maintenant, un nouveau chapitre. On a mis le bac. Ils n'ont pas ramassé notre bac à recyclage. Là, je sais pas pourquoi, ils ont ramassé tout. Tu sais, il y a notre bac. Il y a les poubelles, il y a le bac des voisins, là, des résidents. Tout est ramassé, là. Mais notre bac à recyclage, il est là. Plein. Personne ne l'a ramassé. Il ne le ramasse pas. Mais je suis comme, pourquoi? C'est-tu... Là, je me dis, je vois pas d'autre solution que, genre, le gars, il était trop veg pour tirer notre bac du trottoir jusqu'au camion, vu qu'il n'y avait pas de roue. Il s'est peut-être dit, ah, là... Moi, je suis syndiqué, puis ça, c'est un effort de plus, puis j'ai pas à faire ça, alors je laisse ça là. Fait que là, on a un bac à recyclage plein à rebord pour commencer la semaine un lundi. Puis, je sais pas s'ils vont le ramasser la semaine prochaine quand on va le mettre au chemin. Alors, que fais-je avec ça? Je pense que je vais juste calisser le feu dedans, puis je vais prendre des photos, je vais faire un live avec ça, je vais envoyer ça à la ville, je vais envoyer ça à Valérie Plante, c'est-tu? Hein, ça a marché quand j'ai tweeté Coder. Là. Je pense que je vais crisser le feu dans mes poubelles. Je vais tweeter à la mairesse. Parce que là, ça commence à être compliqué, la gestion des poubelles. Je pense qu'on va ouvrir les fenêtres ici, puis on va tout calisser ça par la fenêtre. Ils s'organiseront. On commence à en avoir plein de cul de gérer ça. Esti, man. La bêtise humaine. Ramasse mes poubelles, tabarnak, c'est pas compliqué, ça. Ça m'énerve, ça, t'sais. Là où j'habite, il y a des gens qui ont démonté une espèce d'armoire cheapo en mélamine de marde, puis ils ont tous mis les panneaux à terre, sur le bord du trottoir, avec une feuille 8,5-11 écrit au Sharpie dessus, à donner. Tu sais, comme si c'était intéressant, ça, comme un meuble cheap, complètement comme... Tu veux, quand tu défais de la mélamine, puis tu remontes de la mélamine, à part IKEA, qui a comme une certaine rigidité de plus, mettons, mais tous les meubles de marde que vous achetez au Canadian Tire, là, un coup que c'est monté, démonte-les pas, tu sais. Après, c'est tout slack, ça vaut rien. Fait que, quand tu mets ça à donner sur le bord de la rue, personne va le ramasser, comprends-tu? Fait que là, ça fait 3 semaines, 1 mois que c'est là, à terre, à côté, là, dans le gazon, esti, un paquet de planches à donner, que là, le papier est tout pourri, tout défait à cause de l'eau, les chiens, les chats pissent là-dessus, parce que, bien sûr, les gens ont des chiens, des chats pisseux, puis chieux, fait que ça chie partout, ça, de la merde sur le trottoir, d'ailleurs. Christ, là, le monde m'énerve, hein? Soyez donc propre, que c'est... Arrêtez d'avoir des animaux, puis ramassez vos cochonneries. J'ai pilé dans la merde cette semaine. J'étais vraiment pas content, tu sais. Puis bon, Dieu merci, j'ai enlevé la merde de sous ma chaussure, mais tu sais, c'est pas plaisant. Là, tu rentres dans la maison, tu fais, voyons, ça sent la merde. Là, tu checks ça. Ah, Colin, tu sais. Laissez la merde. Fait que quand je pile pas dans votre merde, vous la mettez dans mes poubelles. Alors, c'est très fâchant. C'est très fâchant. Un jour, je m'en ai acheté un chien, moi. Rien que pour qu'il chie, esti. Je m'en ai chié sur tous vos perrons, ça. Ah, oh, j'étais en train de perdre la tête. Je pourrais juste acheter de la merde aussi, en fait. Ouais, je vais juste prendre la merde, en fait, que le monde mette dans mes poubelles. Je vais aller, à l'Halloween, je vais aller mettre un petit sachet devant tout le monde, devant chez tout le monde. J'en ai plein de merde, si vous en voulez, j'en ai. Partir une compagnie de compost, quelque chose. Parlant de merde, quel beau segway. J'ai démêlé les Skylanders. Vous attendiez pas à ça. Si vous avez vu la page de Retro MTL, faut faire de la place. Faut qu'il y ait des affaires qui partent. Et puis, tu sais, nous autres, les Skylanders, on n'achète pas ça. Mais quand on achète des lots, les gens, ils sont comme, hey, j'ai des Skylanders. Comme, ben, on te donne rien pour. Là. Non, prends-les, j'en veux plus. Fait que, tu sais, le monde, ils nous donnent les Skylanders avec les lots qu'on achète. Fait qu'avec le temps, ça s'accumule, ces affaires-là. Mais là, tu sais, je veux que ça parte, là, je m'en fous. Puis je sais que ça, c'est pas des amiibo, là, ça n'a pas une valeur, ça, là. Mais c'est sur Price Charting, il y a une section figurines, maintenant. Et puis, là-dedans, il y a les amiibo, bien sûr. Skylanders, Disney Infinity. Il y en a-tu d'autres? Peut-être, là, je me rappelle plus. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, il y a des prix rattachés là-dessus. Est-ce que c'est les bons prix, tu sais, à ce point-là? Je sais pas. Mais, quand tu vas dans la section... tu peux mettre par ordre de valeur du plus cher au moins cher. Donc, ce que j'ai fait... Tu sais, les Skylanders ici, on en a... Chris, on en a, c'est fou. Alors, mais moi, je connais pas les noms de ces bonhommes-là, comprends-tu? Mais comment tu veux que je vérifie ça? J'en ai aucune idée. Tout ce que j'ai, c'est des chaudières de Skylanders. Fait que, en tout cas, il y en a des gros là-dedans, là. Il y en a qui sont de couleurs différentes, qui ont de la cool. Je me suis dit, peut-être, c'est ceux-là qui valent peut-être de quoi faire avec ça. Fait que je suis allé en Price Charting, j'ai mis ça en ordre de valeur, du plus cher au moins cher. Puis là, je suis allé regarder les images de, genre, tous ceux-là qui valaient au-dessus de 100$. Il y en a quand même plusieurs. Il y a le plus cher, c'est genre 400, là, quelque chose de même. Donc, j'étais surpris. Mais, tu sais, j'ai passé une bonne heure là à démêler tout ça, puis à juste, comme, checker les values. Et puis, malheureusement, je pense qu'on n'a rien de bon. On en a une coupe qui était listée à une valeur de 10$, 15$. On a, genre, regardez celui-là ici, par contre. Ça, c'est cool. C'est celui qui vaut le plus cher. Je pense qu'il vaut une trentaine. C'est Donkey Kong. Donc, avec un genre de suit weird, là, comme ça. Et puis, ça, c'est un Skylanders, mais regardez en dessous, je sais pas si on va bien le voir. Tu sais, ma caméra... Attendez, je vais zoomer in. Là, ça va... voyez, ici, c'est écrit Amiibo. Puis là, quand je flippe, Skylanders. La plateforme, on a juste à la tourner. Puis là, si tu veux un Amiibo, Skylanders, Amiibo, Skylanders. J'ai trouvé ça vraiment cool. Là, c'est Donkey Kong qui fait les deux. Alors, mais ça a plus l'air d'un Skylander qu'un d'un Amiibo, là, par contre. Là. Mais c'est Activision Nintendo là-dessus. Là, c'est nice. C'est nice. Donc, celui-là, on va peut-être le mettre sur notre site web officiellement. Mais, oups, excuse-moi, DK. Mais c'est ça. Donc, pour tout le reste, tu sais, je m'en fous. Là. Je pense qu'on va mettre ça sur eBay. Ça, c'est le plan. Et puis, j'ai tout fait un lot avec toutes les uniques qu'on a. Donc, c'est full. Il y a des objets aussi là-dedans. Des genres de. Des clés, des patentes là, que tu mets sur le socle. Et puis, ça pop dans le jeu. J'en ai aucune idée. Des portails. Donc, tout ce qui est unique. Et puis, on va mettre des plateformes avec ça, un petit sac de transport. On va mettre ça sur eBay, en auction, puis on verra qu'est-ce que ça fait. J'ai aucune idée, tu sais. Mais le but de l'exercice de ça, c'est pas de se mettre riche. Au contraire, mais c'est de libérer de l'espace. Faut libérer de l'espace ici. Faut que les affaires s'en aillent. Fait que c'est ça. J'essaie de comme démêler un peu ces affaires-là. On a tellement de tapis de danse. Là. Si vous voulez danser, là, on peut vous faire danser là, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Des tapis. Il y en a des pas pires, tu sais. Tous ceux-là qui sont third party, on s'en débarrasse direct, là. Mais tous ceux-là qui sont legit Konami Dance Dance ou Wii ou. J'ose pas les mettre aux poubelles tout de suite, mais on verra. Et puis là, notre département. On a fermé le département de réparation, d'ailleurs. Vous avez peut-être vu ça. On avait dit qu'on le fermait pour un mois, mais je pense que finalement, on va le fermer pour le restant de l'année 2021. Puis on utilise Carl à temps plein. Pour passer au travers de tout ce qu'il y a ici réparé, tout ce qui est réparable. Puis tout ce qui n'est pas réparable, on va le mettre de côté. Puis à un moment donné, je vais faire une belle photo, je vais pitcher ça sur Facebook. Je vais dire qui veut des consoles défect, 5 piastres chaque ou whatever. Puis venez vous servir, ça vous tente de taponner. Donc il faut sortir le stock d'ici, tu sais. Donc, ben ça, on savait que c'était à faire depuis toujours, bien sûr. Mais l'arrivée de Martine donne un boost aussi là-dedans, tu sais. Puis on a tellement, tu sais, ça fait vraiment une différence depuis qu'elle est là. On le sait qu'il y a plein de dossiers à gérer, mais il y en a vraiment plus que ce qu'on avait le temps de prendre le temps de voir, tu sais. Fait que c'est ça. Beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai pas enregistré la semaine passée. Premièrement, j'ai pas grand-chose de nouveau dans ma vie, puis j'ai pas fait grand-chose les fins de semaine. Fait que, tu sais, j'avais comme rien à dire. Puis, on a pas mal de meetings ici à l'interne, puis pas mal de dossiers à tenir compte, et puis j'ai des affaires à faire pour l'arcade aussi et tout, fait que je suis comme pas mal occupé, fait que j'avais slacké à cause de ça. D'ailleurs, parlant de l'arcade, vous avez peut-être vu, j'ai pris toute la merch qu'on avait là-bas, tous les t-shirts, casquettes, hoodies, tuques, camisoles, et puis j'ai tout amené ça ici, j'ai listé, j'ai refait un inventaire, je les ai toutes pliées moi-même. Et puis, on a mis ça sur la page Facebook, sur le site de Retro MTL. Donc, si vous vouliez un t-shirt ou de la marchandise Arcade MTL, allez sur la page, allez sur la boutique de Retro MTL. C'est disponible en ligne seulement. Il n'y en a plus au bord présentement parce que c'est tout ici. Puis, je veux le garder ici encore un peu pour le faire rouler. Et puis, quand je sentirai que comme cette vague-là est passée, ben, je ramènerai ça au bord. Là. Le but, c'est d'écouler ça. Et puis, je travaille en parallèle aussi sur un nouveau t-shirt. Je veux faire vraiment un cool t-shirt de l'arcade avec, tu sais, pas juste le logo en avant ou un Pac-Man ou whatever. Je veux comme un t-shirt hommage à qui nous sommes avec des bornes d'arcade, notre cocktail de Final Fantasy avec les petits shooters, peut-être un kart de Mario Kart vu qu'on fait beaucoup de tournois de Mario Kart, la main de Smash, des blocs de Tetris, des Space Invaders, le Vic Viper de Gradius, tu sais, comme une pinte de bière, Canada, Québec, je veux comme, tu sais, une belle illustration, tu sais, parce que j'ai commencé d'ailleurs, ben j'ai pas commencé, mais mettons, je me suis acheté dernièrement un t-shirt de House of Targ, le bar arcade de Ottawa, et puis je trouve ça nice, tu sais, c'est pour ça que je veux de quoi d'un peu plus, tu sais, ça m'inspire, je veux de quoi d'un petit peu plus sérieux, fait que moi, présentement, je travaille un genre de montage Photoshop avec les idées que j'ai, puis je vais envoyer ça à un illustrateur qui est très cool, et puis qu'il nous fait un peu une faveur au niveau du prix pour ça. Et puis, ça coûte quand même cher faire affaire avec un illustrateur. Puis, je voulais faire une nouvelle batch de t-shirts. Donc, surveillez ça. Quand je vois, j'essaye. En même temps, c'est très difficile. C'est comme un mandat super dur, je trouve. J'y arrive pas, tu sais. Là, j'ai tout scratché ce que j'avais fait. J'ai recommencé. Je veux faire de quoi de nice. Puis, je veux pas faire. Je veux que quand je vais envoyer à l'illustrateur, je veux que ça soit. Je veux être content, tu sais, de la forme, tout ça. Tu prends ça, puis tu mets ça propre, puis rajoute des fioritures, tu sais, je veux que ça soit nice. Donc, ça a pas l'air important quand j'en parle comme ça, mais moi, c'est quelque chose que, Christ, j'arrive pas à régler dans ma tête, puis ça me gosse, tu sais, ça me fait un poids. Fait qu'il faut que j'y arrive, puis j'ai pas le temps de m'y mettre tant que ça, puis j'arrive ici le matin, puis tout de suite, les messages, les affaires. Fait qu'il faudrait comme que je ferme tout, puis que à chaque jour, je mette une heure là-dessus, pour essayer d'avancer le dossier, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis un peu éparpillé, là, présentement. Très éparpillé, même, par rapport à ce que j'ai à faire pour l'arcade, pour le magasin. C'est l'automne, je trouve. Je dors beaucoup. Je me couche tôt, puis je suis tout le temps fatigué. Je sais pas si c'est le même pour vous. Ma blonde me dit que c'est le changement de température et tout. Puis avec les années, je commence à la croire. J'ai comme un... J'ai comme un down, là. Puis je suis comme déprimé. Donc, c'est pour ça, j'aurais voulu enregistrer hier, j'étais trop pas dedans. Lundi, j'étais pas dedans, tu sais, c'est difficile. Là, un matin, c'est la fatigue, j'ai comme un boost d'adrénaline, café, tout, j'y arrive. Mais j'étais très down lundi. Peut-être que je parlerai de ça au prochain épisode, la dépression. Je suis pas dépressif, mais des fois, je me sens comme je sais plus où me situer, tu sais, je sais plus où je suis, je suis comme perdu. Et là, tu dis, mais t'es pas perdu, t'as ça, tu fais ça. Non, ma tête, elle séparée en mille à travers tout ça. Puis, ça fait que je suis perdu. Tu comprends? Non, ça fait que c'est pas le temps de partir là-dessus, ça finira plus, puis il faut que j'aille travailler. Mais peut-être au prochain épisode, là, je vais être déprimant, je parlerai de ça. Donc, voilà. Y avait-tu autre chose? Je pense que ça fait pas mal le tour. En effet. Les soirées d'humour sont recommencées à l'arcade le premier mardi du mois. Les soirées Arcade Montréal, c'est fantastique. Et puis, si vous êtes en ville et vous aimez les shows d'humour, allez là. Prochain show, le premier mardi de novembre, qui sera le 2. L'événement Facebook est déjà annoncé. Donc, v'là, t'sais pas que c'est merveilleux. Merch d'Arcade MTL disponible sur le site de Retro MTL. Merci à mes Patreons. J'en parle pas si souvent que ça, mais sachez que c'est très apprécié, vraiment. Et puis, j'ai un Patreon dernièrement qui m'a fait qui m'a écrit un grand message, tu sais, par rapport à sa vie, puis mon podcast, puis. Ou est-ce qu'il pas qu'il me donnait des conseils, mais il m'expliquait sa vision des choses, qui était très, très fair, très bonne, tu sais. Donc, moi, je parle pas nécessairement beaucoup, tu sais, puis des fois, vous m'écrivez tout ça, puis je réponds, mais, tu sais, je réponds pas comme beaucoup, mais sachez que c'est pas parce que ça m'intéresse pas, c'est parce que je suis fatigué. C'est fatigué. Je suis pas un grand répondeur, tu sais, de messages privés Facebook. Pas juste de vous, mais de quiconque, tu sais, mes amis ou whatever, tu sais, tout le monde on a des discussions de chumé, je suis pas dedans, tu sais, je suis comme, c'est ça. Mais c'est toujours, prenez-le pas personnel si je réponds pas beaucoup, mais je réponds bien, je pense, puis c'est avec, ça vient du cœur, vraiment, et puis merci. Merci d'écouter ce podcast-là. Ça, c'est bien que ça existe. Ça me fait du bien. Et puis, voilà. Mais j'aimerais ça avoir des invités des fois. Peut-être ça faudrait que j'enregistre à un autre moment, tout ça. J'aimerais ça avoir que ça parle plus de gaming aussi. Ou peut-être que je devrais juste laisser tomber le gaming, faire des podcasts, moi aussi, où est-ce que je reçois du monde. Je sais pas trop. Mais ce podcast-là existe. Et puis, je lance ça dans l'univers. Et puis, merci de l'écouter. C'est très, très apprécié. Alors, je vous laisse là-dessus. J'ai des évaluations de jeux à faire. Et puis, il y a quelqu'un qui a communiqué avec nous avec une belle collection. Donc, il a l'air d'avoir pas mal de Super Nintendo. Alors, je voudrais, si on réussit à avoir ça, peut-être checker pour mon full set. Qui avance tranquillement. Pas pressé de ça du tout. Pas beaucoup de jeux ces temps-ci, mais c'est correct. J'économise et c'est très bien. Bon, hey, allez en paix et puis on se revoit. Allez, soyez des nôtres ce soir pour live rétro nouveau à 8h. Sinon, vous l'écouterez en différé aussi. Allez écouter l'épisode qu'on a fait pour le Festipod, épisode court. Mais sachez que c'est pas 100% comme rétro nouveau d'habitude. On était dans un timing précis où est-ce qu'il fallait livrer précisément. Puis c'était très tac, tac, tac. Et puis, c'est pas pareil, là, c'est pas comme des chumés avec de la bière, des Doritos. Ça aurait pu, mais on voulait être un peu plus organisé que ça. Donc, c'est ça. Mais on revient ce soir, Doritos en bouche et tout et tout. Et puis là, il faut vraiment que j'y aille. Hey, salut!